veux plus que t'écoutes ces gens. Ma parole vaut de l'or. Quand ceux qui nous trouvent mignons, les autres qui nous jugent à tort. Tu veux que je te dise je t'aime, je te répondrai toi d'abord. J'ai peut-être un caractère de lionne, mais ce que je ressens c'est fort. Alors qu'est-ce tu fais? Mais où tu vas? Et pourquoi faire? C'est pas comme ça. À toi de me dire où on ira. Réponds pas. Batailler, batailler, ça faisait tant d'années. Celui que je cherchais, enfin je crois je l'ai trouvé. Années et des années, je ne veux pas tant d'arrêt. C'est pas moi qui a parlé, mon cœur fait ça. Je veux savoir où on va, si demain sera meilleur. Dis-moi si tu m'aimes, ne joue pas au plus fort. Y'a des hauts et des bas, demain sera meilleur. Partir demain, je veux savoir où on va. Si demain sera meilleur, dis-moi si tu m'aimes. Ne joue pas au plus fort, y'a des hauts et des bas. Demain sera meilleur, dis-moi si tu m'aimes. Je peux partir demain. Besoin de m'évader, dans son cœur je me suis réfugié. Même délire on s'est bien trouvé. Je me demande si ça va durer. Bonne question, il préfère me voir en survêt. Ton regard ça lui prend la tête. Je te le dis pas mais moi c'est pareil, pareil, pareil. Je te montre pas, je serai toujours là. Où tu iras, mais c'est comme ça. À toi de me dire, quand est-ce qu'on part. Je t'en laisserai pas, parce que toi c'est moi. Batailler, batailler, ça fait tant d'années. Celui que je cherchais, enfin je crois je l'ai trouvé. Années et des années, je ne veux pas tant d'arrêt. C'est pas moi qui a parlé, mon cœur fait ça. Je veux savoir où on va, si demain sera meilleur. Dis-moi si tu m'aimes, ne joue pas au plus fort. Y'a des hauts et des bas, demain sera meilleur. Dis-moi si tu m'aimes, je peux partir demain. Je veux savoir où on va, si demain sera meilleur. Dis-moi si tu m'aimes, ne joue pas au plus fort. Merci, fin de tournage, bravo! Ouais, je vais m'en sortir toute seule, ma réussite full seule.